grâce. Tunayo neema jioni ya leo. D'avoir notre bien-aimé pasteur Eric Impion. Yakuwa pamoja na mchungaji Eric Impion. Il va nous partager la parole de Dieu. Ambaye atatuhubiri jioni ya leo. Nous l'invitons. Tunamkaribisha. Karibu. Kanisa tumpokee kwa makofi na vigelegele. Va se présenter. Nazani atajitetea. Ça sera plus efficace. Itakuwa vizuri zaidi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a écrit plusieurs livres. Ameandika vitabu vingi. Dont deux copies sont au milieu de nous. Na tuna aina mbili ya vitabu vyake hapa. La première, donnez-moi ça. OK, il y en a ici. La première, c'est comment réagir face à une prophétie. Namna gani kutenda unapopata unabii? Face à une prophétie. Mbele ya unabii. Comment se comporter? Utafanyaje? La deuxième, c'est réussir sous une atmosphère favorable. Ya pili ni kufaulu katika mazingara iliyo njema. Mais il y a d'autres titres qu'il a écrits, mais qui ne sont pas dispo avec nous. Na kuna vitabu vingine imeandika ambavyo akuweza kuleta. Et comme ça c'est pas ici. C'est par là. Voilà, voilà. Connecté à sa destinée. Yule anayeambatana na hatima yake. Alors, nous pouvons nous en procurer à la sortie. Tunaweza kununua vitabu hivi tunapotoka. Je voulais dire qu'il y a suffisamment pour tout le monde, mais je me rends compte que ce n'est pas vrai. Sehemu iliyo haiteni ya watu wote. Donc il faut prendre ça vite, rapidement. Inamaanisha chukua haraka ili kwamba usikose. À la sortie. Unapoondoka. Nous sommes prêts. Hein? Tuko tayari. Il vient des États-Unis. Anaondokea America. Il vit aux États-Unis. Na naishi America. Mais c'est pas écrit en français, en anglais, c'est lakini, écrit en français. Imeandikwa kwa Kifaransa vitabu hivi. Mais il prêche en français. Atatubiri kwa lugha ya Kifaransa. C'est bon, non? Ah. Ça sera compliqué, mais il va s'efforcer. Alléluia. On acclame très bien le Seigneur. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Jambo kwa wote. Avant de commencer, permettez-moi de rendre grâce au Seigneur qui nous a amenés en ces lieux. Mbele ya kuanza namshukuru Mungu ambaye ametuleta mahali hapa. Ensuite, permettez-moi de remercier pasteur Eston. Namshukuru virevile mchungaji Eston. Avec qui on a parlé depuis un long moment. Ambaye tulikuwa tukiongea naye inakuwa muda mrefu. Et qui tenait que je sois là pendant ce mois du tournant décisif. Na litamani zaidi niwe hapa katika mkutano huu wa tournant décisif. Et je rends grâce à Dieu. Merci encore pasteur. Asante tena mchungaji. Et je voudrais rendre aussi dire merci à toute l'équipe des pasteurs et à tous les ouvriers. Nashukuru watumishi wote na kundi yote ya wachungaji. Mais aussi à toute l'église de me recevoir chaleureusement à Goma. Kanisa nzima kwa kunipokea na furaha pa Goma. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Tunaweza kujishangilia. Il y a des endroits, j'ai prêché dans une église il y a quelque temps. Inakuwa muda fulani nilihubiri katika kanisa moja. Mais en sortant, j'ai senti dans mon esprit que je ne reviendrai plus jamais. Na nilipotoka nikasikia moyo wangu kama sitarudia kama hiyo kanisa. Je ne suis pas bien senti. Sikujisikia. Mais c'est la première fois que je suis à Goma. Ni mara ya kwanza mimi kufika Goma. C'est comme si j'ai toujours vécu ici. Ni kama jinsi mimi nakuwa nikiishi hapa. Alléluia. Amen. Et je sais que c'est parce que Dieu veut que quelque chose se fasse dans ta vie. Kuna kitu Mungu anapenda kifanyike katika maisha yako. Je suis marié. Nimefunga ndoa. Cette année, le mois prochain, on va totaliser 9 ans de mariage. Mwaka ijayo itakuwa miaka 9 niliyo nayo katika ndoa. marié à une seule épouse. Et père de deux enfants. Na baba wa watoto wawili. Alléluia. Amen. Comme le pasteur l'a dit, nous servons le Seigneur, mais nous écrivons aussi des ouvrages. Namtumikia Mungu lakini naandika vile vile vitabu. Mais en plus d'écrire, zaidi ya kuandika, le Seigneur m'avait mis à cœur depuis quelques années. Tangu miaka fulani imepita Bwana ameniweka moyoni. D'aider aussi les gens à partager leurs idées. Wa niwasaidie kwa kuweza kuchangia mawazo walionayo. C'est comme ça qu'au-delà de mes propres livres, ndivyo jinsi zaidi ya vitabu mimi nimeandika. Nous avons une maison d'édition. Tunakuwa na nyumba ya kuandika vitabu. Qui aide les pasteurs principalement. Qui aide les pasteurs principalement. Ambayo inasaidia wachungaji à partager leurs idées à travers les écrits. Waweze kujadiliana kupana mawazo yao kupitia. Parce que de fois quand on regarde dans les médias et qu'on voit certains hommes de Dieu, on pense qu'ils sont plus grands que ceux que nous avons auprès de nous. Et j'étais en train de dire à mon frère au bureau tout à l'heure que beaucoup que nous envions n'ont pas le travail qui est fait ici. C'est comme ça que j'ai appris à honorer les gens, non à cause de leur race, mais à cause de ce que Dieu a mis entre les mains. Amen. On va s'élever pendant un moment, on va adorer le Seigneur pendant quelques instants avant que je parle. Lève-toi rapidement. Mélodie du ciel. Vous connaissez. Alléluia. J'aimerais que pendant un instant que tu dises au Seigneur, je veux recevoir quelque chose venu du ciel. Ferme tes yeux là où tu es, commence à parler au Seigneur. Élève ta voix, commence à dire quelque chose au Seigneur. Que tu reçoives quelque chose venu du ciel. Alléluia. Que tu reçoives quelque chose venu de Dieu. Pas quelque chose qui vient d'un homme. Roya Shaya Baba, Kobo Roya Shaya Mama. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia. On y va ensemble. Mélodie du ciel, ensemble. Mélodie, chante avec nous. Un chant doux et même. Tous les anges en harmonie. Yes. Roya Shaya Baba. D'une seule voix. Alléluia. Alléluia. Ta puissance. Alléluia, alléluia. Élève ton âme vers le Seigneur. Il doit nous connaître comme les amoureux. Remplis l'univers. Royo bobo cheke yamama. Ton éclat. Yes. Ta bonté. Yes. Sans incompare. Une fois encore. Mélodie. Alléluia, chante de tout ton cœur. Ce soir, tu dois recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia, alléluia. Yes, c'est en train de monter. Gloire remplit l'univers. Roya Shaya Mama. Alléluia, continue à monter. Ton éclat, Seigneur. Yes, on y va maintenant. Yes. Ta bonté sans incompare. Alléluia. Yes. Il règne en ces lieux. Il est Seigneur en ces lieux. Alléluia. Il nous fait du bien ce soir. Il nous fait du bien ce soir. Il règne en ces lieux. Oh, il domine en ces lieux. Oh, sa présence est en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Oh, il règne en ces lieux. Il domine sur tout esprit en ces lieux. Oh, il domine sur tout être en ces lieux. Il domine sur tout problème en ces lieux. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À santé bonne. Merci Jésus. À santé Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout le monde a compati à bon amakosi. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 1 verset 26. Tunasoma Luka moja makumi mbili na sita. La Bible dit ce qui suit. Tunasoma. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Écoute-moi bien. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Nous allons lire le deuxième texte dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, sura kia kwanza, verset 4 à verset 8. La Bible dit ceci: ine adi mnane. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Écoute-moi bien, la Bible dit: je t'avais établi. Nilikushimika. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Ce que je veux faire ce soir, c'est faire un petit récapitulatif. Je sais que enseigner sur un même thème pendant un mois n'est pas facile. Certainement, il y a des choses que je dirais qui ont déjà été dites. Mais ce n'est pas un problème. Parce que même le Seigneur de foi, il rappelle ses promesses. Afin que tu le comprennes bien. Hallelujah. Amen. Et En plus de certaines choses qui ont déjà été dites, zaidi ya mambo fulani ambayo yamesemeka, je vais ajouter d'autres éléments nitaongezea mambo mengine, qui vont nous permettre de décoller. Itakayotusaidia kupanda juu. Dans le premier texte que nous avons lu, kwa usomi wa kwanza ambao tumesoma, il s'agit de Marie. Inazungumzia Maria. Qui a reçu la visitation d'un ange. Ambaye alitembelewa na malaika. Et l'ange, lorsqu'il est venu voir Marie, malaika alipokuja kumtizama Maria, lui a dit des choses qui l'ont troublé. Alimwambia mambo iliyomsumbua kichwa. Et en l'expliquant ces choses, alipofasiria mambo yale, Marie essayait de comprendre avec son intelligence comment ce que Dieu avait dit allait s'accomplir. Maria alitafakaria na akili yake namna gani mambo Mungu anasema itatimizika. C'est pourquoi elle a été troublée. Ndio maana kichwa yake ilisumbuka. Intelligence humaine, mana kwa akili yake ya mtu, rien de tout ce que l'ange disait était possible. Hakuna kitu kwa yale yote malaika alisema ambayo ilikuwa inawezekana. Et dans le deuxième texte, na kwa usomi wa pili, cette fois-là il s'agit de Jérémie. Inakuwa kuhusu Yeremia. Lui, il reçoit de l'Éternel lui-même un message. Yeye anapokea ujumbe toka. Le Seigneur lui dit, Bwana namwambia, avant même qu'il ne puisse venir au monde, mbele yeye kuweza kuzaliwa, le Seigneur avait déjà un plan pour lui. Bwana alikuwa amekuwa na mpango juu yake. Il l'avait même établi. Alikuwa ameshimikwa. Ce soir, j'aimerais donner certaines vérités sur l'établissement divin. Nitawapatia ukweli fulani kuhusu kushimikwa. Je sais que le grand thème c'est quand Dieu t'établit. Mada kubwa ni wakati Mungu anakushimika. J'aimerais te partager certaines vérités sur l'établissement, des vérités essentielles à comprendre et à maîtriser. Nitakuzungumzia ukweli za muhimu za kushika. Partons de ces deux textes. Kulingana na usomi mbili tumesoma. La première chose que tu dois savoir, jambo ya kwanza ambayo inabidi ushike, ton établissement est antérieur à ton existence. Kushimikwa kwako ilikuwa kabla wewe uwe. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Mtu ananielewa? Ton établissement est antérieur. Le plan d'établissement de ta vie est antérieur à ton existence. Mpango ya wewe kushimikwa ilikamatika kabla wewe kuweza kuishi. C'est ce que Jérémie, Dieu expliquait à Jérémie. Ni hiyo Mungu anafasiria Yeremia. Avant que tu ne viennes au monde, mbele uje duniani, moi Dieu, mimi Mungu, j'ai fait des plans, nilifanya mpango, j'ai fait un calcul, nilifanya hesabu, et j'ai établi des choses, na niliweka mambo, pour que lorsque tu viendras sur la terre, ili kwamba unapo que tu ne sois pas comme un hasard, usiwe kama aliyekuja bila mpango, mais que tu sois l'accomplissement parfait des plans de Dieu. Lakini uwe kutimilika kwa mpango mzuri wa Mungu. Vous savez, le jour où tu vois une maison monter comme ce temple, unapona nyumba inapanda na jengwa, celui qui viendra pour la première fois dans la ville ne verra que cette maison. Anayekuja katika mji ataona nyumba hii. Mais s'il pose la question, lakini akiswali, on lui dira, watamwambia, avant que ce temple ne monte, mbele hii jengo liwe, il y avait des gens qui s'étaient assis, kuna watu waliokaa, qui ont réfléchi, waliotafakaria, comment ce temple devait être, namna gani hekalu hii itakuwa, afin d'accueillir tout ce monde. Kwa kuweza kupokea hawa watu wote. C'est pourquoi je voudrais dire ce matin à quelqu'un, ndio maana napenda kusema que ta vie n'est pas le fruit du hasard. Maisha yako haikuje kwa ghafla. Ce que tu es n'est pas le fruit d'une simple coïncidence. Kile ulicho haianguke tu kwa bahati mbaya. Le fait que tu sois en vie, kuwa kwako maishani, soit réellement l'expression de l'amour de Dieu. Inakuwa ni kuonekana kwa upendo wa Mungu. En fait, ta vie est un plan que Dieu est en train d'implémenter sur la terre. Maisha yako ni mpango ambao Mungu yuko natimiza hapa duniani. Qu'importe le moyen par lequel tu es venu au monde. Haijalishi njia gani umekujia duniani. Même si tu es venu par un viol. Hata kama umezaliwa kupitia ubakaji. Je voudrais t'annoncer ce matin que tu n'es pas un hasard dans les plans de Dieu. Nakutangazia kama hauko mtu wa bure kwa mpango wa Mungu. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Naongea na mtu jioni ya leo. Même Salomon qui est né d'un mariage compliqué. Hata Solomon aliyekuja duniani kupitia njia mbaya za kushangaza. La Bible dit que le roi David avait ravi sa mère. Biblia inasema mfalme Daudi aliiba mke wa batu ndio mama yake. Avait ravi une femme d'un soldat. Aliiba mke wa jeshi. Et a fait tuer ce soldat. Na kaua huyo jeshi. Afin d'avoir sa femme. Ili kwamba awe na huyo mke. Mais un enfant né d'un mariage adultère, semé de meurtre. Mutoto aliyezaliwa toka ndoa ambayo iliundwa. Lorsqu'il vient sur la terre. Lorsqu'il vient sur la terre. Wakati anakuja duniani. Sa vie est autre chose que le meurtre et l'adultère. Maisha yake inakuwa kitu kingine. Je sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Le problème ce n'est pas comment les choses se sont passées avant que tu n'arrives. Shida haiko namna gani vitu vilifanyika kabla uzaliwe. Le problème c'est ce que tu es entre les mains de Dieu. Na shida ni kile ambacho uko mikononi mwa Mungu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, qu'importe la manière dont tu as été conçu, qu'importe la manière dont ta conception est arrivée, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je pensais que quelqu'un allait crier très fort amen. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Quelle que soit ta famille, quelles que soient tes origines, moi l'Éternel, je connais ce que j'ai prévu pour toi. Il ne s'arrête pas là. Si c'était arrêté là, on allait croire que c'était un projet de malheur. Il continue à dire, je connais non seulement que les projets que j'ai formés sur toi, mais il ajoute des projets de bonheur afin de te donner l'avenir. Pas seulement n'importe quel avenir. Vous savez, il y a des avenirs flous. Mais un avenir plein d'espérance. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Le problème, ce n'est pas où tu es. Mais le problème, c'est ce que Dieu dit de toi. Lorsque Dieu parle sur nos vies, lorsque Dieu nous révèle des choses, vous savez, Dieu peut utiliser la voix intérieure pour vous parler. Il peut utiliser un rêve. Il peut utiliser la voix audible. Il peut utiliser une autre personne pour te parler. Certains, même jusqu'à aujourd'hui, continuent à voir des anges. Mais quel que soit ce que Dieu te dit, il y a toujours dans nos vies ce moment-là où nous doutons de ce que Dieu dit de nous. Pourquoi nous doutons? Parce que bien souvent, ce que Dieu dit de nous est souvent supérieur à notre intelligence. C'est pourquoi Marie, la Bible dit, Marie fut troublée par ces phrases. Elle se posait la question, c'est quoi cette histoire? Parce que je vais vous dire une chose. Ça, c'est la deuxième vérité. C'est que les plans de Dieu sur ta vie sont souvent supérieurs. Non, je veux le dire, sont toujours supérieurs à l'opinion que tu as de toi-même. C'est pourquoi la Bible dit des choses que l'oreille n'a point entendues, que les yeux n'ont point vu, et des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Mais elle ne se termine pas là. Des choses que Dieu a préservées, a gardées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu, lorsqu'il nous parle, bien souvent il nous choque. Je ne sais pas, peut-être que toi tu n'es pas choqué. Mais si tu connais Dieu, si tu développes l'intimité avec Dieu, bien souvent quand Dieu va commencer à te révéler des choses, tu seras toujours dans le choc. Moi Dieu me choque beaucoup. Dieu me choque beaucoup. C'est-à-dire qu'il te dit quelque chose, toi-même tu te regardes vraiment. Et puis tu parles comme Marie. Comment ces choses vont-ils se faire? Je me suis marié en 2010. Et en 2009, lors d'un service comme celui-ci, un homme de Dieu m'a dit, alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous servez Dieu avec sérieux. Parce que Dieu vous visitera. Je conduisais le worship comme le frère l'a conduit ce soir. Et il m'a dit, je te vois traversant les mers et les océans pour prêcher l'évangile. Et ta parole sera comme du feu qui brûle la paille. Vous savez, moi je suis comme Habakkuk. Je retiens certaines choses dans... Vous savez, les paroles choquent là de ta vie. Il faut savoir retenir ça. Il y a les manènes, en 2010, Je me marie en 2011. Je commence le ministère en 2012. Je me retrouve aux États-Unis. Et je vous assure deux fois, humblement dire, alléluia, amen. Des fois, il faut même que je refuse certaines invitations pour rester avec ma femme et mes enfants. Kuna mara ninakatama aliko zengine kwa kubaki na mke wangu na watoto wangu. Parce que des fois, il faut 6 mois, 7 mois d'avance pour qu'un programme soit arrêté. Kuna mara kwa leo inaomba hata miezi 6, miezi 7 ili kwamba nikamilishe mpango fulani. Je me rappelle à une époque, kwa muda fulani, j'ai fait, je crois, dans 4 semaines, j'étais dans presque 6 villes aux États-Unis. Kwa wiki ine nilikuwa katika miji 6 USA. Ce n'est pas une affaire de connexion. Ce n'est pas une affaire de connexion. Aiko mambo inayohusu kuunganishwa na. Mon père est décédé il y a très longtemps. Baba yangu alikufaka zamani. Mais j'avais cru à ce que Dieu avait dit. Niliamini yake yale Mungu alinyambia. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Si Dieu kama niko naongea na mtu. Et Dieu est en train de me pousser depuis un moment, Dieu est en train comme de me pousser vers l'avant. Tangu muda fulani Mungu iko ananisukuma mbele. J'ai arrêté de travailler en 2015 après mon ordination. Niliacha kutumika kwa mwaka 2015 wakati niliwekwa wakfu kama mchungaji. Je te partage ce témoignage pour que tu vois que ce qu'on est en train de vous enseigner sont des choses vraies. Na kuzungumzia mambo haya maana uelewe kwamba tunayowahubiri ni kweli. Nene m'a dit petit aux États-Unis il y a pas d'aide sociale, il faut pas arrêter le travail. Mtu mmoja akanyambia ndogo wangu USA hakuna misaada, acha. Et le Seigneur m'a dit arrête. Na bwana kanyambia acha kazi. Depuis 2015, je n'ai plus jamais remis mes pieds dans une entreprise. Na tangu mwaka 2015 sijawahi kurudi kwenye kampuni kwa kutumika. J'ai une femme et deux enfants. Nina mke mmoja na watoto wawili. Je ne fais pas d'appel de fonds pour mon ministère. Siambiaki watu mlete pesa kwa kunisaidia. Je ne donne pas de fausses prophéties pour l'argent. Si kwa ken kitabiri mambo ya bongo juu nipate pesa. Mais parce que j'ai cru à ce que Dieu m'avait dit. Maana niliamini yale Mungu alinyambia. Dieu est en train de me pousser vers l'avant. Depuis un moment, le Seigneur m'a dit, ta femme doit aussi arrêter de travailler. Vous savez, les femmes de fois vous disent, mais on va payer les factures comment, les enfants vont vivre comment. Je lui ai dit, si tu veux vivre les miracles avec Dieu, ukapenda kuishi miujiza na Mungu, tu dois apprendre à être un fou de Dieu. Jifunze kuwa kichaa mwenda wazimu wa Mungu. Tu dois apprendre à croire même là où les autres ne croient pas. Jifunze kuamini pale ambapo wengine hawaamini. Depuis deux ou trois mois, tangu miezi mbili, miezi ma femme a arrêté de travailler. Aliachilia kazi. Oh, nous avons cru à la parole de Dieu. Tuliamini neno la Mungu. Mais jamais on nous a mis dehors. Lakini hatujafukuzwa nyumba. Et des fois les gens nous appellent pour demander mais comment vous faites dans ce pays compliqué? Kuna mara watu wanatuta na kutuambia namna gani mnafanya kwa nchi kama hii. La Bible dit, Biblia inasema, mon juste mwenye haki vivra par sa foi. Ataishi kwa imani. Il m'a dit non, ces choses-là ne marchent pas en Amérique. Alisema États-Unis mambo itembeake. Avec les factures qu'on a à payer. Pamoja na maisha. Tu as certainement des connexions que tu ne veux pas me dire. Je lui ai dit, mais comment tu prêches des choses que tu ne sais pas vivre toi-même? La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, tu veux être établi dans les plans de Dieu. Vous savez, les plans d'établissement de Dieu, c'est la vérité qu'il dit sur ta vie. Et ce que tu vis, c'est la réalité. C'est comme ça, frère. Ne te sous-estime pas pour ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Apana jizarau. Laisse les gens te sous-estimer. Acha watu wakuzarau. Oh, laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Waache waseme binyo. Mais toi retiens seulement que c'est la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Lakini wewe shika tu hiyo kweli Mungu anasema juu yako. Des fois les gens qui m'ont connu hier n'arrivent pas à comprendre que c'est toujours moi. Mara nyingi watu walionijua jana hawafikiaki kuelewa kama ni mimi tu. Non, moi j'ai toujours su que j'ai toujours été comme ça. Mimi najua kama mimi nakuwa katu hivyo. Mais les gens regardaient à mon apparence. Watu waliponiona à ma réalité présente. Kwa ukweli wangu. Mais moi je regardais à ce que Dieu dit avait dit sur moi. Mimi nilikuwa najiona kulingana na yale Mungu alisema juu yangu. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Sijui kama mtu yuko ananielewa. Laisse les gens parler. Acha watu waseme. Toi attache-toi à la parole de Dieu. Wewe shikamana na neno la Mungu. Toi attache-toi à la vérité que Dieu a dit sur ta vie. Shikamana na kweli Bwana amekupa. elle tarde, attends-la. Kame na kawia chunga. Attends-la. Oui, chunge. Car elle s'accomplira. Mane tatimilika. Et elle s'accomplira certainement. Il tatimilika kweli kweli. Il a agi hier avec le Pierre et le Paul. Aujourd'hui, il a agi avec nous. Alitenda na Paulo Petro, lui anatenda nasi. Et demain, il agira avec toi. Na kesho tafanya pamoja nawe. Et lorsque tu crois à la vérité de Dieu, unapoaminia neno la Mungu, il y a toujours un miracle qui s'opère. Kuna muujiza unafanyika. C'est que Dieu te fait yale Mungu anakutendea. Un don de foi. Anakupatia karama ya imani. Vous savez, il y a la foi qu'on peut manifester à cause de la parole de Dieu. Kuna imani unaweza kuonesha kwa ajili ya neno la Mungu fulani. Mais il y a aussi un don de foi que Dieu peut te donner. Kuna zawadi ya imani ambayo Mungu anaweza kupa. Afin de croire à sa révélation. Mbele ya kuaminia ukweli wa ufunuo wake. C'est pourquoi parlant d'Abraham, Dieu mana alipongelea Abraham. La Bible dit, Biblia nasema, il a espéré contre toute espérance. Alitumainia juu ya matumaini yote. Ce n'était pas une foi normale. Haikukua imani ya kawaida. C'était une foi qui était venue du ciel. Ilikuwa imani ambayo mbingu zilimpa. Qui en lui. Mungu alingenda ndani mwake. Il était capable de croire que même d'un corps usé peut venir un enfant. Na aliamini kwamba hata mwili uliochoka unaweza kupana mtoto. Lorsque tu crois à au plan d'établissement de Dieu pour ta vie. Unapoaminia mpango wa kushimikwa na Mungu. Il naîtra en toi une foi bizarre. Na ni mwako pana imani kubwa itazalika. Une foi qui te permettra de marcher même quand tout le monde t'abandonne. Imani ambayo itakusaidia kutembea wakati wote wanakuachilia. Une foi qui te permettra de faire des choses même tout le monde ne croit pas. Imani ambayo itakupatia uwezo wa kufanya mambo wakati watu tu awaminie. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi ndio maana reste attaché à ce que Dieu dit de toi. Shikamana na yale Mungu amenena. Que les circonstances présentes ne détruisent pas ta foi. Majira ya sasa yasibomoe imani yako. Crois en Dieu et crois à ce qu'il a dit sur toi. Mwaminie Mungu na aminia yale aliyosema juu yako. Ce qu'il a prévu de faire dans ta vie, il le fera. Aliyoanda kukutendea maishani atayatenda. Hallelujah. Amen. La troisième vérité que j'aimerais que tu saches ce soir. Ukweli wa tatu ambao natamani ujue jioni ya leo. Au-delà de ce que Dieu a prévu d'accomplir dans ta vie. Zaidi ya yale Mungu ameandaa kutenda kwa maisha yako. Tous nous recevons les promesses de Dieu. Sote tunapokea ahadi za Mungu. Tous Dieu nous montre comment il a prévu de nous positionner. Mungu anatuonesha sote namna gani alipanga kutushimika. Mais de la manière d'accomplir les plans de Dieu. Lakini njia ya kutimilika kwa mpango wa Mungu. Nous n'utiliserons pas tous les mêmes voies. Atupitie njia moja. Certains utiliseront les voies des hommes. Wamoja watapitia njia za wanadamu. Vous savez, il y a un adage qui dit tout chemin mène à Rome. Kuna msemo mmoja unasemaka njia zote zinabeba. L'essentiel c'est d'arriver à Rome. Ya maana ni kufika huko kwa Rome. Non, avec Dieu ça marche pas comme ça. Pamoja na Mungu mambo itembea kivile. Vous savez, il y a certains témoignages que nous recueillons. Kuna ushuhuda zingine tunapokeaka. Si Dieu nous permettait de voir. Kama Mungu anaturuhusu tuone. La réalité spirituelle de ces témoignages. Ukweli wa kiroho wa hiyo ushuhuda. Nous verrons que certains témoignages ne sont que de la voix de Jacob mais les mains d'Ésaü. Tutaona kama ushuhuda zingine na kwa kama vile Yakobo alipozungumuza na Esau. Il y a des témoignages qui sont fausses. Ushuhuda mbaya. Les gens ont tripoté eux-mêmes leurs miracles. Watu wameundaunda wao wenyewe miujiza. Ils ont utilisé des voix qui ne sont pas de Dieu. Wametumia njia ambazo haziko za Mungu. Mais parce qu'il est chrétien. Maana ni Mkristo. Parce qu'il veut montrer aussi que Dieu agit avec lui. Maana napenda kuonesha kama Mungu anatenda pamoja naye. Il va essayer de mettre un comme un déodorant sur son miracle. Anajaribu kutia rouge pale, kutia mapambo pale kwenye ushuhuda wake. Un parfum sur son miracle. Anatia malashi kwenye ushuhuda wake. Pour que ça sente comme si c'était de Dieu. Ili kwamba inuke sasa ya Mungu. Mais en vérité, kwa ukweli, ils ont fabriqué eux-mêmes leur miracle. Wameunda wenyewe ushuhuda. Ne fabrique pas le miracle avec Dieu. Apana kuunda kuunda mwenyewe ushuhuda wako. La Bible dit j'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Ninapotenda nani atakayepinga? Donc ce que Dieu a dit, il le fera. Yale Mungu amesema atayatimiza. Tu n'as pas besoin de l'aider. Hauhitaji kumsaidia Mungu. Par des moyens frauduleux. Kwa njia za kuchora chora. Par des moyens malicieux. kwa njia za ujanja ujanja. Je vous dire une chose. Nitawaambia jambo moja. Le fait que Dieu décide de te bénir, Mungu akiamua kukubariki, le fait que Dieu décide de te lever, wakati Mungu anaamua kukuinua, le fait que Dieu décide de t'établir, wakati Mungu anaamua kukushimika, ne dépend pas de la bénédiction de ton voisin. Hiyo haitalingana na baraka ya jirani yako. C'est comme ça que certaines personnes sont en train de manipuler les autres et d'exploiter les autres pensant pour monter. Ndivyo jinsi wengine wako wanatumia tumia ujanja kwa kufaidia wengine ili kwamba wapande. Tu n'as pas besoin de manipuler les autres pour arriver à ce que Dieu a dit. Hauhitaji kuchenga chenga wengine juu ufike kwenye Mungu alisemaka. Tu n'as pas besoin de fabriquer et de créer des incidents pour que tu arrives à ce que tu penses être de Dieu. Hauhitaji kuweka weka mitego mbele ya wengine ili kwamba ufikie pale kwenye Mungu alisema. Si Dieu a parlé sur ta vie, il accomplira. Kama Mungu alisema juu ya maisha yako ataitimiza tu. Tu n'as pas besoin d'utiliser les moyens frauduleux. Hauhitaji kuanza iba juu ufikie huko. L'appel à la grandeur avec Dieu. Mwito kwa ukubwa pamoja na Mungu. Et l'appel à l'intégrité et dans la marche avec Dieu. Inakuwa mwito kwa uaminifu unapotembea na Mungu. J'ai aimé ce que le pasteur Crispin a dit hier. Nilipenda hiyo mchungaji Crispin alisema jana. La sanctification. Utakaso. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham. Tizama kwa nini Mungu aliambia Abraham. Après qu'il ait démontré qu'il allait être grand. Kisha kumuonesha kwamba atakuwa mkubwa. Il lui a dit. Alimwambia, marche devant ma face. Tembea mbele za uso wangu. Et sois intègre. Na uwe mwaminifu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sur le chemin de l'établissement sans intégrité. Hauwezi kutembea na Mungu kwa njia ya kushimikwa kama hauko mwaminifu. L'intégrité dont je parle, c'est non seulement l'intégrité devant Dieu, mais c'est aussi l'intégrité envers les hommes que Dieu a créés. Ambao naongelea haiko tu uaminifu kwa Mungu, lakini ni uaminifu kwa watu ambao Mungu ameweka mbele zako. Oh, des fois je pleure sur cette nation. Kuna mara nalia juu ya taifa letu. On parle de plus de 70% des chrétiens. Wanaongelea zaidi ya 70% ya Wakristo. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans cette nation. Unapoona yanayofanyika katika nchi yetu. Vous vous demandez est-ce que les gens sont réellement chrétiens. Unajiuliza je watu ni Wakristo kweli kweli? Le deuxième moyen que les gens utilisent, c'est le moyen diabolique. Inakuwa ni njia ya kishetani. Aujourd'hui encore, les gens vont voir des féticheurs. Leo watu wanakwenda kutizama wafumu. Aujourd'hui encore, les gens vont voir les magiciens. Watu wanakwenda kutizama wasuda. Aujourd'hui encore, les gens vont voir les devins pour chercher à avoir le pouvoir pour Leo, réussir. Leo watu wanakwenda kutafuta tumamiungu miungu ili kwamba wawe na uwezo. Oh, malheureusement, même dans l'église, ces choses sont entrées. Ola ni kwamba hata ndani ya kanisa mambo yale yamefika. Des gens qui vont toucher au fétiche pour prophétiser avec précision. Watu wanakwenda kutafuta uchawi ili kwamba wapane maunabii. Des gens qui vont faire des alliances avec Satan pour attirer les foules. Watu wanakwenda kufanya maagano na shetani ili kwamba wavute umati za watu. Ne touche pas, ne fais pas alliance avec Satan pour toucher à des choses. Hapana fanya agano na shetani ili kwamba ufikie jambo fulani. Rappelle-toi toujours d'une chose. Que ton âme est plus importante que toute autre chose sur la terre. Nafsi yako ni utajiri kubwa kuliko kila utajiri duniani. J'aimerais le rappeler. Na wakumbusha. Que ton âme est plus importante que n'importe quelle richesse de ce monde. Nafsi yako ndiye utajiri kubwa kuliko kila utajiri hapa duniani. C'est pourquoi la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ndio maana Biblia inasema itakuwa faida gani kwa mtu apate utajiri wote wa dunia lakini apoteze nafsi yake? Certains disent, pasteur, moi je ne vais pas chez les féticheurs. Wamoja wanasema mchungaji si kwende kuona wafumu. Mais moi je regarde seulement l'horoscope. Mimi naangaliaka tu hiyo horoscope. Est-ce que vous savez que l'horoscope est une connexion avec le monde des ténèbres? Unajua kwamba hii mambo ya horoscope inakukonnecte na ulimwengu wa giza. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ces choses sans le savoir. Watu wengi kwa leo wanakuwa kilaguza na hawaelewi. En tant que chrétien, faites attention aux films que vous regardez. Angalisho na filamu mnazotizama. Il y a beaucoup de films aujourd'hui qui comportent des choses mystiques pour ouvrir notre esprit au monde de ténèbres. Kuna filamu mingi yanakuwa na mambo ya usuda ili kwamba ifungue akili. Faites attention aux livres que vous lisez. Angalisho na vitabu mnasoma. Si un livre, faites attention à ce que vous lisez. Angalisho na yale mnasoma. C'est pourquoi le livre le plus important à lire et à relire tous les jours, c'est la Bible. Si tu lis la Bible, tu auras une forte sagesse. Kama utasoma Biblia utapokea hekima kubwa. Faites attention à ce que vous lisez. Angalisho kwa yale mnasoma. Faites attention à la musique que vous écoutez. Angalisho na music ambayo mnasikiliza. Je suis convaincu. Ninajua. Et j'aimerais le dire ici. Na ninayasema hapa. Certains disent, mais ce n'est que la musique, non? Watu wamoja wanasemaka si ni muziki tu. Est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique du monde? Mkristo anaweza kusikiliza muziki ya dunia? Vous savez, on peut aller dans des débats sociologiques et artistiques. Tunaweza kuingia katika mazungumzo ya kijamaa ya ki music. On ne se mettra peut-être pas d'accord. Yawezekana atutelewana. Mais le jour où vous priez pour quelqu'un, lakini siku taombea mtu, et que l'esprit de Beyoncé sort dans le corps de quelqu'un, na roho pepo ya Beyoncé natoka mwe, vous comprenez que ces choses-là, ce sont des poisons. Utelewa kwamba hiyo mambo inakuwa sumu. Alléluia. Amen. Le jour où vous priez pour des gens, vous verrez que vous rendez compte que c'est par la musique que la personne a été envoûtée. Unapomombe utakuta kwamba ni kupitia muziki ndipo pepo iliingia ndani mwake. Vous rendez compte que ces choses, ce sont des poisons pour l'âme. Hiyo mambo inakuwa sumu kwa nafsi. Même si la mélodie est bonne. Hata kama kale ka muziki kako kazuri. Même si les paroles semblent innocentes. Hata kama maneno yanaonekana kuwa mazuri. Tout n'est pas toujours innocent. Aiko kwa bure. Écoutez la musique du Seigneur. Sikilizeni nyimbo za Bwana. Chantez la louange de Dieu. Muimbeni sifa za Mungu. Car quand on loue Dieu, maana unapomsifu Mungu, non seulement que notre âme est fortifiée, nafsi yetu haitapata tu nguvu, mais la louange à Dieu a l'aptitude de toucher Dieu et en échange Dieu nous touche. Ya Mungu inamgusa Mungu na kwa mwisho Mungu anatugusa pia. Si tu es un vrai chrétien, kama wewe ni mkristo wa kweli, tu ne dois pas écouter la musique du monde. Hapana kusikiliza nyimbo za dunia. Parce que c'est une porte qui peuvent te créer des ennuis. Inaweza kukuletea shida. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumshangilie Bwana jamani. Une autre chose que tu dois, la dernière voix que tu dois savoir, c'est la voix de Dieu. Ninje ya Mungu. Ceux qui marchent avec Dieu doivent compter sur Dieu du début jusqu'à la fin. Wanaotembea na Mungu wamtumainie Mungu mwanzo hadi mwisho. Ne cherche pas à aider Dieu comme Abraham a voulu le faire. Usitafute kumsaidia Mungu kama jinsi Abrahamu alipenda kuyafanya. Compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Mutumainie Mungu. Même lorsque tu passes des temps difficiles. Hata wakati unapitia nyakati ngumu. Compte sur le Seigneur. Mutumainie. C'est pourquoi j'aime cette parole qui dit aucune tentation qui est survenue qui soit au-dessus de vos forces. Napenda Biblia inaposema hakuna jaribu inaweza kuwafikia ikiwa juu ya imani yenu. La Bible continue en disant que à travers malgré la tentation, Dieu va toujours prévoir une voie afin de nous permettre d'être victorieux. Biblia inasema ingawaje jaribu Mungu atafungua njia fulani ili kwamba tumalize tukiwa washindi. Même lorsque tu passes des temps difficiles. Hata unapopitia nyakati ngumu. Compte sur le Seigneur. Tumainia Mungu. Attends-toi au Seigneur. Mutunge Mungu. Ça veut dire qu'il y a de mal avec les raccourcis lorsqu'on marche avec Dieu. Iliyo mbaya unapotembea na Mungu. Si tu prends les raccourcis. Unapopita kwa njia ya risque de croire que tu as résolu ton problème. Ukitafuta njia fupi ili kwamba ufikirie suluhisho. Mais très vite le chemin va te retourner au caisse départ. Na hiyo njia itakurudisha kule kwenye ulitokea. Ceux qui ont marché avec Dieu avec intégrité. Waliotembea na Mungu na uaminifu. Tu le retrouveras très loin avec le Seigneur. Utawakuta mbali na Mungu. Mais ceux qui ont pris des raccourcis. Lakini wale wenye walitafuta njia fupi. Vont faire le rond-point. Watarudi na kujikuta kwenye walitokea. Et ils n'auront pas de paix même lorsque matériellement ils auront comme réussi. Na watakuwa na amani hata kama kimwili wataonekana kufaulu. C'est quand tu as fabriqué un miracle. Wakati uliundaunda muujiza. Même quand les gens louent Dieu, oh alléluia. Hata kama watu wanamsifu Mungu juu ya ushuhuda hiyo. Toi-même tu sais que non, toi-même tu sais. Wewe mwenyewe unakuwa na jambia hapana. Mais lorsque tu sais que c'est l'Éternel qui t'a béni. Ukijua kama ni wa milele ndiye amekubariki. Lorsque tu sais que le miracle que tu as vient de Dieu. Unapojua kama muujiza nilionao ni Mungu ndiye amenipa. Alléluia, tu célèbres Dieu de tout ton cœur. Unamsifu Bwana na moyo wako wote. Parce que tu sais que ton miracle vient de Dieu. Maana unajua kwamba ni Mungu ndiye amekupa muujiza huo. Attends-toi à Dieu. Tumainia Mungu. Ton établissement passera par la voie de Dieu. Kushimikwa kwako kutapita kwa njia ya Bwana. Pas par les voies des hommes. Hapana kwa njia za watu. Pas par le diable. Hapana kwa njia ya shetani. Mais par Dieu. Lakini kupitia Bwana. C'était la troisième vérité. Ilikuwa ukweli wa tatu. La quatrième vérité que j'aimerais que tu saches, c'est que ton établissement aura des étapes. Je t'explique ces choses afin que tu comprennes, que tu sois patient lorsque tu seras en train de marcher avec Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Luc chapitre 4, de verset 1 à verset 10, nous verrons que Jésus, après avoir jeûné et prié, Yesu kisha kuomba na kufunga, il a été tenté trois fois. Alijaribiwa mara tatu. Et pour la première fois, il a été tenté pour le pain. Mara ya kwanza alijaribiwa na mkate. Ensuite, il a été tenté pour le pouvoir. Ya pili alijaribiwa kwa njia ya kupewa mamlaka. Et enfin, il a été tenté pour le maintien. Na kwa mwisho alijaribiwa kwa kuweza kukingwa. Tout établissement a comme étape. Kila kushimikwa inakuwa na viwango. La première étape que tu dois franchir dans ton établissement, kiwango ya kwanza ya kushinda unaposhimikwa, ça sera vaincre les besoins du pain. Itakuwa kushinda haja za mkate. Être en mesure de manger à sa faim. Kukula kulingana na njaa na haja ulionayo. De pouvoir à tes besoins naturels. Inakuwa ni kuwa na jibu kwa mahitaji zako za msingi. Et de vivre en paix. Na kuishi kwa amani. Même les nations que nous connaissons aujourd'hui, des nations fortes. Hata mataifa yenye nguvu tunayojua leo. Des nations puissantes. Mataifa yaliyo na nguvu. Il y a une époque ils ont vécu aussi pour la recherche du pain. Kuna muda waliishi kwa kutafuta mkate. J'aimerais parler ici en tant que prophète de Dieu. Naongea kama vile nabii wa Mungu. J'aimerais parler aux Congolais. Naongea na wakongomani. Et dire ce que nous vivons en ce temps. Yale ambayo tunaishi kwa leo. Un temps vient où nous ne pleurons plus pour le pain. Muda utafika ambapo hatutalia tena juu ya mkate. J'aimerais parler en tant que prophète de Dieu. Naongea kama nabii wa Mungu. Et il vient un temps où le pain coulera à flot dans cette nation. Muda unakuja ambapo mikate itakuwa tele katika nchi hii. Il vient un temps où les nations autour de nous courront vers notre nation pour recueillir le pain. Muda unakuja ambapo mataifa itakuja katika Kongo. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que Dieu m'a dit, il viendra ce temps. Muda huo utafika. Et il est en train de venir. Na uko nakuja. Hallelujah. Amen. La deuxième étape. Kiwango cha pili. Après que tu aies vaincu les besoins élémentaires. Baada ya kushinda hizo haja za msingi. Tu vas maintenant chercher à devenir quelqu'un. Utapenda uwe sasa mutu. Comme on dit en lingala mutu kati na batu. Utapenda uwe mtu miongoni mwa watu, mwanaume miongoni mwa wanaume. Devenir quelqu'un d'important. Utapenda uwe mtu wa samani. Quand on cite les noms, qu'on cite aussi ton nom. Wanapotaya majina za watu na wawataye jina lako. Savez, ça s'applique dans tous les domaines. Hiyo ni katika kila kiwango. Même dans le ministère. Hata katika huduma. Au départ on se bat pour les petites choses. Kwa mwanzo unapigana juu ya vitu vidogo. Et quand Dieu nous le donne, wakati Mungu anakupa hayo, on se met à travailler maintenant pour que ton nom devienne grand. Unaanza kutumika ili kwamba uwe mtu na wewe. Hallelujah. Amen. Il y a aussi des nations qui ont vaincu le pain. Na kuna mataifa ambao wameshinda kiwango cha mkate. On dit même qu'ils sont devenus des nations émergentes. Na Biblia imesemekwa kwamba wamekuwa taifa wanaoendelea. Ils sont en train de rechercher à devenir grands. Wanatafuta kuwa wakubwa. Hallelujah. Amen. Il y arrive toujours ce moment-là. Hiyo muda unafika katu. Où on ne se contente plus seulement d'une voiture. Ambapo hautosheki tu na gari. Mais on veut une voiture. Lakini unapenda gari. Avant on voulait seulement, avant on voulait seulement se déplacer. Mbele ulikuwa unapenda ka frijolito tu. Mais maintenant là on commence à faire des choix. Sasa leo unaanza kuchagula vrai cop. Hallelujah. Amen. À l'époque on voulait seulement chaussures pour porter. Mbele ulikuwa tunaacha upate kiatu na wewe mguu urespire. Pour ne pas être pieds nus. Ili kwamba usiwe miguu wazi. Mais là maintenant on a le choix. On découvre même les, on connaît même les noms des créateurs de chaussures. Oh, je proclame cela sur la vie d'une personne. Je me souviens toujours d'une convention. Nakumbukaka kongamano moja hivi. Où je n'étais qu'en pantoufle. Ambamo nilikuwa nikivaka pantoufle. Mais comme je devais être à la chorale, je devais avoir une chaussure. Mana ilibidi niwe kwenye kwaya, ilinibidi niwe na kiato. Et je suis allé voir un ami. Nilikwenda kuona rafiki. Malheureusement, il y avait une sœur dans l'église que je voulais épouser. Ole kulikuwa dada mkanisa mlikuwa napenda nioe. Et pendant la convention, je devais quand même être présentable. Katika kongamano ilibidi nitakate. Hallelujah. Amen. Je suis allé voir un de mes amis. Je dis, prête-moi une paire de chaussures. Je ne vous raconte pas ça par galerie. Je vous le dis pour que vous compreniez que moi aussi Dieu m'a pris de très loin. Savez, j'ai porté les chaussures, c'était pour 3 jours de location. J'ai porté les premiers jours. Savez, quand tu as des pantoufles normales et que tu as une chaussure. Wakati wako na ile mapantoufle ya kawaida, sasa unavala mokoto. Le jour où tu portes ça, même tes pieds sentent que je suis dans autre chose. Si kwenye ulivale ile mokoto, hata bidole yako nasikia, nilishafika. Et la convention est finie. J'ai oublié même que ce n'était plus à moi. Nikasau kama haikukua yangu. J'ai doublé. Nikaongezea masiku. Un jour je rencontre l'ami en route. Siku moja nakuta huyo ndugu barabarani. Il me dit, mon cher, c'est comment? Anasema rafiki, bikwae. Je rendais ces chaussures là avec amertume. Nilirudisha ile biato na ole moyoni. Parce que la sœur allait seulement comprendre, ah, mais comment ce monsieur a eu des chaussures une semaine après, je ne vois plus ça. Ule dada angelielewa, huyu mtu alikuwa na viatu wiki moja. Sasa abiko, angelielewa kope kisi bwana fanyika. Je me dis à certaines sœurs. Nitamwambia wadada wa moja hapa. Néglige pas le frère parce qu'il porte des chaussures compliquées. Hapana zarau kaka jua na kosa viatu. Ça, c'est sa réalité présente. Iyo ndio ukweli wake wa leo. Mais la vérité de Dieu sur sa vie. Lakini ukweli wa Mungu juu ya maisha yake. Peut-être que tu ne le connais pas. Yawezekana uijue. Ne néglige pas quelqu'un parce que tu le vois misérable aujourd'hui. Usimdharau juu unamwona mwenye mateso leo. Sa vie est entre les mains de Dieu. Maisha yake ni mikononi mwa Mungu. Et le jour où Dieu va décider de l'élever. Siku Mungu atamua kumuinua. Tu risques de rater. Utapoteza. Moi qui louais des je louais pas, j'empruntais des chaussures. Mimi nilikuwa na kopesha biato. Humblement dit, je vais le dire. Alléluia. Amen. Je savais que je venais en mission au Congo. Nilikuwa najua kwamba nakuja kwenye kazi pa Congo. J'ai appelé un petit frère à Paris. Nilimuita mdogo yangu Paris. Je lui ai dit, je t'envoie l'argent. Nikamwambia nakutumia pesa. Je te paye un billet. Tu vas en Italie. Italie. J'ai besoin que tu m'achètes 13 à 15 paires de chaussures. Et puis tu viens au Canada, comme kisha, tu es en vacances. Kisha ukuje Canada. Tu me l'amènes. Il m'amène une grosse valise de chaussures. Akaniletea valise kubwa ya viato. Il y en avait tellement beaucoup. Bilikuwa bya mingi. Que certains j'ai commencé à offrir gratuitement. Nikaanza kutoa kwa bure. Hallelujah. Amen. Vous savez, les gens, des fois, je vous dis, ne minimisez pas les gens. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. La saison peut changer et la vie d'une personne peut changer. Majira inaweza kubadilika na maisha ya mtu pia inabadilika. C'est pourquoi lorsque Joseph donnait la révélation de ce qu'il allait devenir. Ndio maana Yusuf alipopana ndoto ya yale ambayo atakuwa. Ses frères le critiquaient. Ndugu zake walimteta na kucheka. Mais son père. Lakini baba yake. Garda ces choses dans son cœur. Aliweka yale mambo moyoni mwake. Comme Marie garda ces choses dans le cœur sur l'avenir de Jésus. Kama jinsi Maria aliweka yale parce qu'il savait que ces choses étaient vraies. Mana alijua kwamba yatafanyika. Ne néglige qu'une personne. Usizarau mtu. Et toi qui es dans le faible commencement. Na wewe uliye katika mwanzo dhaifu. Ne t'arrête pas de marcher, d'avancer. Hapana kuachilia kusonga mbele. Même si personne ne te regarde, avance. Hata kama kuna mwana kuona songa mbele. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Biblia inasema kwamba kila kazi inaleta tout usitawi. Travail. Même si tu vends des cacahuètes, continue à vendre. La grâce de Dieu a toujours tendance à se multiplier. C'est pourquoi Ruth, lorsqu'il est venu dans le champ de Boaz, la Bible dit elle glanait. Alikuwa akilima lima tu c'est-à-dire elle ramassait. Alikuwa akilima na kuokota kota. Lorsque vous allez au port, unapokwenda kwenye port, il y a toujours des gens qui ramassent des grains de maïs qui tombent. Kuna watu wanakuwa wakiogota ogota Mambegu ya minji. Et ils vont moudre pour manger. Na watakwenda kuitwanga pour ili komba wakule. Et puis la grâce de Dieu l'a amené à une deuxième position. Neema ya Mungu inimuleta kwa kiwango kingine. On lui a dit non, viens ramasser mais parmi nous. Lakini wakamwambia kuja kulogota lakini ulogote katikati yetu. Et là commencé à ramasser parmi ceux qui récoltaient. Akaanza kuogota miongoni mwa wale wanaovuna. On l'a associé au repas de la pause. Wakaanza kumpatia kuchakula ya pause ya mchana. Et Boaz a dit finalement à ses serviteurs, lorsque vous semez, lorsque vous récoltez, récoltez et laissez en partie pour elle. Na Boaz akambia watu, mnapokuwa mnavuna, mko mnavuna na mnamwekea sehemu. Kwa mwisho, elle est devenue la propriétaire des champs. Akakuwa mwenye shamba. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Naongea na mtu mangaribi leo. Tu as peut-être commencé avec les miettes. Umeanza yawezekana na matoko. Mais la grâce de Dieu est capable de t'amener très loin. Neema ya Mungu inaweza kufanya kwamba upande. Hallelujah. Amen. Pour terminer. Kwa kumaliza. Lorsque tu auras, wakati utapata, le dernier combat de ta vie sera comment maintenir ce que tu as reçu. Vita ya mwisho itakuwa ni namna gani kuweka vizuri, kuchunga yale umepata. Les mêmes méthodes qui t'ont amené à la réussite, c'est les mêmes qui te permettront de te maintenir. Njia zilizokubeba kwa ushindi ndizo zitakusaidia kwa kubaki na utajiri wako. Pour terminer, kwa kumalizisha, lorsque Dieu décide de t'établir, wakati Mungu anaamua kukushimika, il ne le fera pas partout. Hata yafanya mahali pote. Hallelujah. Amen. Tel que nous sommes ici présents. Kisi tuko mahali hapa sote. Même si tu n'es pas chrétien. Hata kama wewe si Mkristo. Que tu sois musulman. Uwe Muislamu. Hindu. Quelle que soit ta religion. Haijalishi kanisa lako. Parmi nous tel que nous sommes là. Kisi tuko mahali hapa. Il y a parmi nous des Abraham. Kuko wa Abraham hapa. Il y a des Isaac. Kuko wa Isaka. Il y a des Jacob. Kuko wa Yakobo. Les Isaac, les Abraham, ce sont les gens que Dieu appelle à bénir en dehors de leur pays de naissance. Wa Abraham ni wale watu ambao Mungu ameita kuwabariki nje ya inchi ambamo wamezaliwa. Dieu va t'amener ailleurs. Bwana atakubeba nje. Comme il m'avait amené ailleurs. Kama jinsi mchungaji Mungu amembeba nje. Pour t'établir dans un autre pays où il te rendra grand. Ili kwamba akushimike katika inchi nyingine ambapo atakufanya uwe mkubwa. C'est pourquoi même quand les gens disent vous allez dans vos églises pour devenir pour recevoir les visas. Vous allez dans les églises pour prier pour les visas. Jamana wengine wanasema mnakwenda kwa makanisa zenu kwa kutafuta maviza mu maombi. Quand je lis ma Bible, nikisoma Biblia, je me rends compte que Dieu a dit à Abraham part. Natambua kama Mungu alimwambia Abraham wende. Comment tu partiras aujourd'hui si tu n'as pas de visa? Utaenda je kama una visa? Et la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Na Biblia inasema yote ambao mtaomba mtaomba katika maombi. La Bible ne donne pas d'exception, tout. Biblia nasema yote. C'est pourquoi j'aimerais annoncer ce soir. Dieu m'a ntasema jioni ya leo. À un Abraham. Kwa Abraham mmoja. Que Dieu veut amener je ne sais où au Katanga, en Europe, en Asie, je ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'amener. Ambaye Mungu atabeba pa nafasi fulani duniani. Je viens proclamer sur ta vie. Nakuja tangaza juu ya maisha yako. Les ouvertures. Kufunguliwa. Oh que Dieu t'ouvre les portes. Bwana kufungulie milango. Que Dieu te donne les moyens d'aller là où il te veut. Bwana kupe uwezo ya kwenda. Que Dieu te donne les moyens. Bwana kupe uwezo. Oh s'il faut même qu'on te chasse de cette nation qu'on te chasse. Inabidi hata wakufukuze mwa inchi. Que tu ailles là où Dieu t'a établi. Wende kule ambapo Mungu amekuita kwenda. Mais il y a aussi des Isaac. Kuna kwa wa Isaka. Lorsque j'aime ce que la Bible dit parlant d'Isaac. Napenda hiyo ambayo Biblia inasema kuhusu Isaka. La Bible Isaka. Dit il y a une famine comme à l'époque d'Abraham. Biblia inasema njaa ikaja kama kwa muda wa Ibrahim. Alors qu'Abraham a fui en Égypte. Ijapokuwa Ibrahimu alikimbia Misri. Dans Genèse 26. Katika Mwanzo 26. La Bible dit l'Éternel dit à Abraham à Isaac. Mungu akamwambia Isaka. Reste ici. Baki hapa. Dans ce pays de Gerar. Ndani ya hii nchi ya Gerar. Malgré la misère. Ingawaje shida. Je te bénirai. Nitakubariki. Je me redirai à une personne. Namwambia mtu. Ne pars pas. Usikwende. Parce que la situation est compliquée. Maana hali inakuwa ngumu. Avant de partir, sois sûr que Dieu veut que tu partes. Mbele ya kwenda, hakikisha kama Mungu anapenda uende. Il y a un adage en Lingala qui dit bakenda kamboka pone lengia misute. Ah, kuna adage moja nasema mulingala, abakimbiake inchi juu ya kuonekana, juu ya picha ya kuonekana. Le bonheur ne se trouve pas toujours ailleurs. Heri haiko tu kule nje. Le bonheur se trouve là où Dieu t'a placé. Heri ni kuwa pale ambapo Mungu amekuita kuwa. Que l'Europe, ne vous, que les gens, que ce, que les, ce qui est posté dans les réseaux sociaux ne vous sorte pas des plans de Dieu. Quand plusieurs partent, mais finissent par détruire leur vie. Je prêchais ce message un jour au Canada. Et une dame est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, j'ai détruit ma vie le jour où j'ai quitté le Congo. Elle m'a dit, j'étais marié. Elle m'a dit, je le suis encore. Mais ça fait presque 20 ans que je vis ici. J'étais venu pour accoucher. Et je suis resté pour chercher les papiers. Papiers que je n'ai jamais reçus. Je ne sais plus rentrer. Je ne sais rien faire ici. Entre temps, le mari qui est resté, je ne connais même plus ce qu'il fait. Les enfants que j'ai laissés des mineurs sont devenus des grandes filles, elles veulent se marier. Je ne vous dirai pas le nombre de pasteurs qui ont détruit leur ministère parce qu'ils ont voulu partir en Europe pensant que ça allait être l'Europe, l'étranger est semé de secrets que les gens ne révèlent pas toujours. Si Dieu veut que tu partes, il parlera, il confirmera, il réconfirmera et il créera les moyens pour que tu partes. Ne cours pas comme un voleur. Avec Dieu, la particularité, c'est la paix du cœur. Si Dieu veut que tu partes, il fera que les choses se fassent en paix. Ne cours pas. Et à la fin, il y a des Jacob qui partiront mais qui reviendront parce que c'est ici que Dieu les veut. Ils sont peut-être partis pour chercher un diplôme, pour avoir un capital social, mais au final Dieu va les ramener au Congo parce que c'est ici qu'il veut les établir, c'est ici qu'il veut les bénir. Je vais terminer en disant ceci. Est-ce que vous savez que notre actuel président Zamona Poto, vous savez que notre président Zamona Poto est un enfant de l'Ulaya? Et quelqu'un avec moi, il a vécu en Europe durant pratiquement toute sa vie. À un moment, il a senti que c'est là que les choses doivent se passer. Imagine s'il était resté accroché au McDonald's. Kama angelibakia akishikamana na kile kenye alikuwa nakyo kule. Allait-il être ce qu'il est aujourd'hui? Le secret avec Dieu, c'est de suivre le mouvement de l'esprit. Lorsque la nuée avance, avance avec la nuée. Lorsqu'elle s'arrête, arrête-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Levons-nous, nous allons prier pendant un instant. Alléluia. Amen. Alléluia. J'avais voulu que tu comprennes ces réalités afin que tu saches comment prier. Emmanuel, de l'or de l'ombre. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Demande à Dieu de t'établir. Demande à Dieu de t'établir. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Levons-nous. Que toute l'église s'élève, s'il vous plaît. Je t'adore. Chante avec nous. On y va ensemble. Yes. Je te loue. Chante de tout ton cœur. Je t'adore. Je te célèbre. Je te célèbre. Roi de mon cœur. Emmanuel, on y va. Marie. Emma. Emma. Emma. Yes, on y va. Emmanuel. na likolo pawana se pona katia monte mananga je ne connais qu'un seul amour dambo yandi ma komi kaba komi pesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso yoza nyonso motu yananga hey, yoza nyonso motu yananga Emmanuel on y va. Parle-lui maintenant. Parle-lui de ta vie. Parle-lui de tes projets. Bien-aimé, ta vie est en jeu. Ta vie est en jeu. Parle à Dieu de tes projets. Rappelle Dieu ce qu'il a déclaré sur ta vie. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit dans le passé? Parle-lui maintenant. Dis-lui, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de ce que tu m'as dit, Seigneur. Oh, souviens-toi de moi. Kumbuka bwana. Roya shaya baba. Royo bobo shekere ya baba. Raya shaya baba. Reya baba shakaya mama. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ongena mongo, ongena mongo. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ta vie est en jeu, bien-aimé. La vie de tes enfants sont en jeu. La destinée de ta famille est en jeu. Que Dieu t'établisse là où il a prévu de t'établir. Que les pressions de la vie ne te sortent pas de ses plans. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Continue à prier. Que Dieu te garde de la compromission. Wana kukinge na uovu. Roya shaya baba, kobodo ya bashaya mama. Reya baba shakaya mama. Continue à prier, continue à prier. Endelea kuongea na Mungu. Reya baba shaya mama. Reya baba shaya baba. Alléluia, alléluia. Que Dieu te garde, que Dieu te garde. Wana kuchunge, akuchunge kabisa. Royo bobo bobo bobo. Sois sensible à l'esprit. Sois sensible à l'esprit. Sois sensible à l'esprit. Sa présence est là. Roya baba. Musikilizo. Sheke ya mama. Reya baba shaya mama. Oh, il peut te toucher là où tu es. Il peut te toucher là où tu es. Il peut te toucher là où tu es. Yes. Oh, l'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. Oh, il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Roya Shaya Baba. Rodo Moshe Yamama. Reya mama shaya baba. Sa présence est là, sa présence est là. Où est pour bon animal yapa? Sa présence est là. Où est pour bon animal? Oh, il peut te toucher, il peut te toucher. Akona kugusa. Son affectation peut te toucher. Où est zawake ukona kugusa? Oh, l'esprit peut te toucher. Roa mungu. Oh, il te touche là où tu es. Akona kugusa manuli. Oh, il change ta vie là où tu es. Akona badilisha maisha yako. Il change ta vie là où tu es. Akona badilisha maisha yako. S'il y a des esprits qui bloquent ta vie, ils sont en train de te libérer maintenant. Allez, libérer. Je te libère maintenant. Achilia. S'il y a des blocages, les blocages tombent maintenant. Bifungo toka. Roya baba bashaya mama. Oh, les blocages tombent. Le flou, les ténèbres qui bloquaient ta vie en train de partir. Roya baba shaya mama. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Écoute-moi. C'est qui les a? Raya Shaya Mama, Raya Shakaya Baba. Maintenant, au nom de Jésus, que toute porte qui est restée bloquée dans ta vie, elle est en train de te libérer maintenant. Hallelujah. Amen. Raya Shaya Mama. Hallelujah. Amen. J'aimerais que tu chantes cela de tout ton cœur. Nous allons chanter un jour, je sais qu'il se levera dans ma vie. Hallelujah. Yes, chante de tout ton cœur. Ferme tes yeux là où tu es. Hallelujah, chante cela. Un jour je sais, tu te leveras. Yes, dans ma vie. Dans ma vie, même le dernier. Yes. Un jour je sais, il se lèvera. Yes. Même sans l'intervention d'un homme, il se lèvera, il agira dans ta vie. Yes. Hallelujah. Yes. De Dieu dans ta vie. Bien aimé, mets-toi à prier maintenant. Détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Annule cela. Annule cela. Oh, annule cela. Annule cela. Annule cela. Roya ba ba ba ba ba ba ba. Robo bo bo bo bo bo bo. Re ba ba ba ba ba ba. Que cela tombe maintenant. Que cela tombe maintenant. Que les murs tombent maintenant. Que les liens tombent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends autorité contre toute influence maléfique. Je prends autorité contre toutes réclamations familiales. Je prends autorité contre les géants des chômages. je brise le chômage, je brise la maladie que qui m'a retenu dans la misère, la maladie qui m'a empêché d'avancer, stérilité, je le rache, la stérilité, je la refuse, au nom de Jésus, le célibat indésiré, au nom le de célibat. Jésus. Indésiré, au nom je de les Jésus. Brise, je les brise, au nom de Jésus. Je les brise, je les brise, au nom de Jésus, les réclamations impures, au nom de Jésus, les réclamations impures, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit, que tout ce qui n'est pas de Dieu tombe maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu tombe maintenant. Que tout ce qui bloque ton avenir puisse tomber maintenant. Que tout ce qui bloque ton ascension puisse tomber maintenant. Que tout ce qui bloque ton épanouissement puisse tomber maintenant. Je dis libérer les vies. Satan libère les vies. Satan libère les vies. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Maintenant. Sasa. Minyororo inanguka. Milima inanguka. Les montagnes s'écroulent. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Écoute-moi. C'est qui les a? Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Funga mecho yako malulepo. Ferme tes yeux là où tu es. Funga mecho yako. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus. Roya shayama. Roya shakayama. Que ceux qui prient en langue se mettent à prier en langue. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de take place. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant dans le spirituel. Alléluia, alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Oh, reçois le miracle que tu es en train d'attendre. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Je dis reçois cela maintenant. Le miracle que tu es en train d'attendre. Même ceux vous qui êtes à la fin, recevez maintenant. Recevez. Alléluia. Reçois ton miracle maintenant. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te touche. Que Dieu te localise. Emae fongole langalola Emae sopele langakembo. Chante avec moi. Emae Rima pamoja na kwaya. Emae fongole langalola Emae. S'il vous plaît. Nous sommes des intercesseurs de Sion. Pour l'amour de Sion. Mais la Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Pendant que je prie pour Sion, Ma requête aussi arrive au trône. Alléluia. Nous voulons prier pour Sion. L'œuvre de Dieu. Le royaume de Dieu. Tu vas tenir la main de ton voisin. Et nous allons prier à l'unisson. Tutaomba kwa pamoja.